Je m'inquiète pour toi, t'inquiète, c'est chacun pour soi. On a fait des cases pour rouler en classe. De Marseille à Casa, les comptes et la passade, les mythos, les hasards. Nous on aime pas ça, je te quitterai jamais si au fond je t'aime. Si au fond je t'aime, je t'emmène avec moi, j'ai les clés, tu t'aimes, t'aimes. Je vais t'offrir mon cœur, la villa, t'aimes, t'aimes. Brillant dans le bloc, je fais des additions. J'ai de l'ambition, j'ai les mêmes potes qu'avant, sauf ceux qu'on parlait pendant l'audition. Putain, je te trahirai pas, t'inquiète, je tournerai pas la veste. Qu'on reste, qui gratterait toute la tête. Je te trahirai pas, t'inquiète, je tournerai pas la veste. Je connais des mecs en reste, qui gratterait toute la tête. Oh ma bella, comme Tony Montana, t'es ma Elvira. Elles veulent que je les appelle quand je suis dans tes bras. Personne prendra ta place dans le Panamera. J'ai confiance de mon bloqué en ma bella. C'est Toro Toro, mon casal Barbella. Foncé par pas français pour des CDI, oui. C'est mon liquide qui j't'approche tout en défoncé, oui. Projet signé, gueule, on m'rappe que pour l'oseille, oui. Casa, c'est ma cola pour le con comme à Pompéi. H qualité, c'est là qu'on fasse depuis mon pays. Satan est taf, obligé de râler pour qu'on paye. Sans taf que dans le Védav, un dévisseur jour et nuit. Le gars est capté, le seul trou qu'elle navigue. Prendra ta place dans le Panamera. J'ai confiance.